Grand-père. Scolastique, vous ne laisserez plus monter personne. Puis, se tournant vers moi. C'est assommant à la fin, la manie qu'ils ont tous, ces plaideurs villageois, de venir ainsi relancer un pauvre homme jusqu'aux heures de ses repas. Maintenant, déjeunons tranquille. Et tandis que dehors, sur la place et sur la placette, grondait le brouhaha des samedis de marché, bruit confus de voix que parfois domine le cri perçant d'un goré tiré par la patte, ou la plainte enfantine désespérée d'un chevreau de lait, maître Barjavel posa devant moi une grasse griffe de genévrière de Thuriez, fumante et fleurant bon comme une cassonette. Déguste-moi ça, entre deux lampées de vieux vendémé, et tu m'en diras des nouvelles. Ma gastronomie te fait rire? Que veux-tu? Volontairement exilé dans cette bourgade endormie où nous cumulons le métier d'avoué avec celui d'avocat, je n'ai trouvé qu'un moyen pour ne pas mourir d'ennui, c'est de recourir à la table, véritable opium provincial, et de condenser les belles passions d'autrefois en intelligentes gourmandises. À ce moment, le bruit du heurtoir retentit. Nous entendîmes Scolastique qui protestait, puis un bruit de pas dans l'escalier. Évidemment, quelques clients pressés venaient de forcer la consigne. Maître Barjavel s'était levé, terrible, brandissant sa serviette qui, grâce au tremblement de sa main irritée, prenait l'aspect d'une gerbe d'éclair blanc. « Quel est l'animal ?